Alors, tu as vu Louise ? Tu l'as invitée ? Non, je ne l'ai pas encore invitée. Tu ne l'as pas vue cette semaine ? Mais si, je l'ai vue hier. Tu sais, je la vois tous les jours. Quand tu la vois, tu lui parles ? Bah, oui. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis bonjour. C'est tout ? Oui. Je n'ose pas lui parler. Quand je la vois, je ne sais pas quoi lui dire. Écoute, la prochaine fois que tu la vois, tu dois l'inviter à prendre un café. C'est facile, la cafétéria est juste à côté. Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Tu vas lui dire « Bonjour Louise, je vais prendre un café, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Tu peux lui dire ça, oui ou non ? Oui, oui, bien sûr, mais... Tu crois vraiment que je peux l'inviter ? Je ne comprends pas. Tu es d'une timidité, c'est maladif. Tu la trouves bien, oui ou non ? Je la trouve super. Mais elle a peut-être un ami. Tiens, Raphaël, par exemple, je les ai déjà vus ensemble. Non, je la connais. Elle n'a pas de petite amie, c'est certain. Tu as son numéro de téléphone ? Non, je ne l'ai pas. Tu pourras lui demander. Comme ça, tu pourras l'appeler sur son mobile. Lui proposer d'aller au cinéma. Je ne sais pas si je l'appellerai. Écoute, mon cher Benoît. Si Louise te demande de lui téléphoner, si elle pleure parce que tu ne l'appelles pas, est-ce que finalement, un jour, tu le feras ?